zuwa yangando na koki kome la moto e. President Fonya Simbe, très fort pour un Togo fort. La vie a moto simi na maboko. Nokola télécommande ya télévision. Na va aéroport yo pepo papa e. Ata omati suka suka oko kite langa ye. Na koyamba yo kaka. Maboko polele mon chou. Tienes mesana na yo lokola kantine suka suka zizi.